Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Fernand Dumont, grande figure intellectuelle du Québec et penseur de la culture. René Lévesque était venu à la maison me demander de me présenter comme candidat en 76. Mais mon argument, c'était celui que j'avais quand j'étais jeune, c'est qu'il fallait au Québec non pas seulement construire un État, mais il fallait construire une culture. En 1976, Fernand Dumont va préférer conserver son rôle d'homme d'influence plutôt que de sauter directement dans l'arène politique. Après son élection, René Lévesque va quand même le nommer sous-ministre de la Culture et l'influence de Fernand Dumont va être déterminante dans les politiques qu'adoptera le gouvernement du Parti québécois. Il sera entre autres l'un des architectes de la loi 101, cette fameuse charte de la langue française adoptée en 1977. Mais l'influence de Fernand Dumont va déborder du simple champ politique, intellectuel respecté, enseignant toute sa vie à l'Université Laval, sa pensée va marquer profondément toute une génération de Québécois. Mais je voudrais surtout m'insurger contre le fait qu'on fait commencer les choses en 1960, alors que ce qui commence en 1960, c'est simplement ce que j'appellerais la redondance politique par rapport à des idées qui étaient déjà tout acquise intérieurement. Le programme d'action sociale, des Jeunes Canada de 1932-33, le programme d'action sociale, quand vous lisez ces vieux textes-là, vous avez des idées tout à fait révolutionnaires. Par exemple, la nationalisation des assurances pour assurer un capital qui reste ici. C'est quand même révolutionnaire. Personne n'est en quelle année? En 34, 35, le programme d'action sociale. Mmh. Et bien d'autres choses aussi qui sont passées dans la Révolution tranquille, mais celle-là n'est pas encore passée, malheureusement. c'est pas tellement l'idée de précurseur qui me préoccupait, c'était de voir comment, effectivement, ce qu'on appelle la Révolution tranquille est quand même surgi de quelque part. C'est pas une coupure. Fernand Dumont, au micro de Wilfrid Lemoine en 1989, pour nous présenter la pensée et le parcours de Fernand Dumont, mon invité Julien Goyette, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski, auteur du livre « Temps et culture, Fernand Dumont et la philosophie de l'histoire ». Julien Goyette, bonjour. Bonjour. Commençons par ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est déjà porteur ce que nous dit Fernand Dumont. Il est critique, c'est un des rares à son époque à être critique, à être aussi rapidement critique de la Révolution tranquille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il reproche à la Révolution tranquille? Alors, c'est à la fois un artisan de la Révolution tranquille, mais aussi, comme vous le soulignez, un critique. Et ça vient très rapidement. Dès le début des années 70, Dumont sent que quelque chose ne tourne pas rond au Québec. On a particulièrement réussi à liquider l'ancienne culture. On a été très actifs sur le plan institutionnel. La Révolution tranquille a été très effervescente à cet égard-là, mais on a échoué à créer une nouvelle culture. Ouais. La Révolution tranquille a été créée largement pour Dumont par le haut, c'est-à-dire par l'élite, et on n'est pas parvenu à créer une culture où le plus grand nombre réussirait à s'identifier. Donc la Révolution tranquille a été déroutée, pour reprendre l'expression de Léon Dumont. Donc lui, il est déjà, et c'est un des rares à ce moment-là, il est déjà dans le bilan, puis ça, on va y revenir tout au cours de l'émission, mais cette démarche-là, ça fait partie de la nature même de Dumont, de toujours chercher à comprendre qui je suis, où je suis et où je veux aller. Ça, c'est fondamental dans sa démarche. Ce qui est fondamental aussi, c'est les origines. Parce qu'au fond, c'est un peu ça qu'il nous dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre. La coupure, il nous reproche de cette coupure avec le passé, de prétendre que tout part, que tout a été inventé à partir de la Révolution tranquille. Ça l'obsède aussi, ses origines. On va y revenir parce qu'il va développer toute une théorie là-dessus. Mais un mot d'abord sur ses propres origines à lui-même. À quel milieu appartient-il, Fernand Dumont? Alors, il est né à Montmorency, dans un milieu ouvrier. Ouais. Il a grandi dans les blocs, c'est comme ça qu'on les appelait, là, de la Dominion Textile. Donc, c'était l'usine où ses parents ont travaillé, où ont travaillé également tous les membres de ceux qu'il appelait affectueusement là, sa tribu. Lui-même, il y a travaillé pendant son adolescence. Et donc, il va être élevé dans cette culture, une culture populaire, ouais, qu'il aura tendance à idéaliser même plus tard. Il voudra toujours en garder mémoire et il aura tendance à l'idéaliser. Une espèce de nostalgie, là, un attachement. Un attachement. Donc, c'était une culture qui, pour lui, était très étanche. Là. Ça tournait autour de la paroisse, de l'usine, bien sûr. Mais c'était aussi une époque, une culture pleine de solidarité, de spontanéité. Et donc, il a voulu rendre mémoire de cette culture que, selon lui, on n'aurait pas dû effacer de cette façon. Et l'une des idées fortes de Dumont touche, justement, à son propre passage à lui de cette culture-là que vous venez de décrire, de la culture populaire à laquelle il appartient, à la culture savante à laquelle il va accéder, bien sûr, par ses études universitaires. Il en parle très, très bien de ça, avec beaucoup d'éloquence. Je vous propose d'écouter un passage de l'émission « Au bout de mon âge », diffusée en 1968. Au fond, il nous explique, puis on y revient tout de suite, Julien Goyette, ce qu'est sa théorie de l'immigration, de l'exil. Devenir un intellectuel, surtout si on n'est pas dans un milieu intellectuel, ça commence sans doute par des choses très simples. Ça commence sans doute par le fait que déjà à 5, 6, 7 ans, on se sent un peu à distance de la vie. Pourquoi? Je sais pas. Moi, c'est peut-être parce que j'étais, dans mon enfance, un petit gars assez malade, assez frêle, et que j'avais un père très costaud, que dans le fond, je me suis dit, ça sert à rien de lui faire concurrence sur ce plan-là. Si j'entre à l'usine, je ne peux pas être aussi fort que lui. Hein? Ça a peut-être commencé comme ça, mais c'est bien sûr que ça commence toujours par des choses aussi simples que ça. Se sentir un peu à distance de la vie. Se réjouir, d'ailleurs, de se sentir un peu à distance. On ne sait pas ce que c'est la culture, puisqu'on vit dans un monde où les livres n'existent pas. Chez moi, il y avait seulement l'Almanach du peuple. Puis c'était pas toujours la dernière édition, d'ailleurs. Bon. Mais c'est comme si on anticipait ce que ça pourrait être. C'est assez touchant de l'entendre, puis il y a probablement beaucoup d'auditeurs qui vont se reconnaître dans ces propos, parce que, souvenez-vous, lors de la crise étudiante en 2012, on a beaucoup parlé du phénomène d'universitaires, d'étudiants de première génération, de diplômés de première génération. C'est encore beaucoup le cas au Québec. C'est un peu ça que décrit Dumont. Qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va devenir, cette théorie de l'immigration pour lui? En fait, toute sa biographie ou son autobiographie tourne autour de cette idée. Hein, ça s'appelle « Récit d'une immigration », justement. C'est vraiment cette idée qu'il a compris très tôt, qui devait emprunter un autre chemin que celui de ses parents. Donc, le nouveau chemin, c'est celui de l'école, des livres, du savoir. Donc, ces livres qui n'étaient pas présents là, dans son milieu ou peu présents, pour pouvoir justement exprimer cette culture-là populaire, celle dans laquelle il a grandi lui-même, qui était faite certainement de résignation et de pauvreté, mais qui était pour lui d'une grande fierté, d'une grande profondeur. Et comme je le soulignais, il n'a pas accepté qu'on coule littéralement cette culture-là, notamment à travers l'idée de la grande noirceur. Là, pour lui, il y avait quelque chose d'autre à exprimer. Il y avait une culture-là dont la richesse n'était pas reconnue. Mais en même temps, il y a une pulsion. Ce qu'il nous dit, c'est que, bien sûr, il sait d'où il vient, mais il y a cette volonté, cette aspérité. Il y a un passage souhaité d'aller ailleurs. Absolument. Il va vouloir exprimer, il le souligne très bien dans un extrait qui est souvent repris, à ceux qui ont agacé mes rappels épisodiques de Montmorency, donc sa ville natale, je dois avouer une faute plus grave encore. Même mes livres théoriques ne parlent pas d'autre chose. Les questions qui m'ont occupé, de l'épistémologie à la sociologie de la connaissance et de la culture, n'ont pas d'autre foyer. Mmh. Donc, il voudra toujours rester fidèle. C'est un penseur de l'enracinement. Ouais. Il voudra toujours rester fidèle, mais en allant ailleurs. Il ne s'est pas empêché pour autant d'investir le terrain de la théorie. Au contraire, il l'a fait, mais en voulant garder mémoire. C'est presque un cas. Oui, bien, je vous écoute. Puis, en fond, il y a quelque chose de l'analyse psychologique, la pulsion d'aller ailleurs, de sortir de son milieu, d'atteindre des idéaux, mais toujours rattrapé en même temps, fatalement, par ses racines, par là d'où on vient. Est-ce qu'il ne va pas un peu faire la même analyse pour l'ensemble de la société québécoise? Oui, il va définir le trajet. Alors, une société québécoise qui, un peu comme lui, a brûlé les étapes qui étaient hors de l'histoire. Mm-hmm. D'une certaine façon, on avait un petit peuple un peu marginal que personne ne remarquait et qui, avec la Révolution tranquille, va en quelque sorte brûler les étapes et devenir pour lui, et pendant un temps, ça l'emballera, un laboratoire de culture, donc un endroit où on expérimente toutes sortes de choses. Mais rapidement, ça va se révéler que il en sortira pas nécessairement une nouvelle culture comme il l'avait espéré à ce moment-là. Il est critique, on l'a vu, de la Révolution tranquille. Au moment où il revient de Paris, dans les années 50, il retourne enseigner. C'était prévu d'ailleurs. On lui avait promis un poste à l'Université Laval. À ce moment-là, dans les années 50, au milieu des années 50, l'Université Laval fait partie de ce foyer de résistance au duplessisme. Est-ce qu'il est aussi critique, par exemple, qu'il le sera de la Révolution tranquille, du duplessisme à l'époque? Où est-ce qu'il se situe dans cette espèce de campagne contre le duplessisme à ce moment-là? Alors, il étudie à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, qui est effectivement un des foyers d'opposition à Duplessis, mais il ne se sent pas aussi concerné que ses aînés par la lutte à l'Union nationale. Il est convaincu que cette culture-là, que ce régime, le régime duplessiste, est voué à s'effondrer. Ouais. Alors, il regarde un peu le spectacle et il préfère se vouer à ce qui est pour lui le plus important, c'est-à-dire édifier une nouvelle culture. Et pour ça, il faut commencer par le connaître. Et ça explique son choix de la sociologie, notamment. Et il va dans cette volonté qui est presque une obsession de se connaître, savoir qui on est, où on veut aller. Il va participer à la création en 1960 de la revue Recherche sociographique. Pourquoi? Quel objectif il a en cofondant cette revue-là? Alors, on est à une époque, justement, et c'est tout à fait en pont là avec ce qu'on vient de souligner. C'est-à-dire que le moment pour lui n'était pas aux grandes généralisations. Il fallait commencer par connaître ce Québec qu'on avait peu connu, si mal connu. Les sciences sociales en étaient encore quand même, malgré leur longue histoire, étaient quand même à un nœud de leur développement. Et donc, il apparaissait important de connaître dans le détail, d'une certaine façon, cette société québécoise avant de dessiner les plans de cette culture nouvelle. Et cette revue, ce sera ça, au fond. Ça sera ça. Ouais. Et il sera impliqué également là, comme premier président là, de l'Institut québécois de la recherche sur la culture dans les années 70, et ça répond du même dessin. Parlons du penseur de la culture, parce que ça reste, je pense, d'abord et avant tout ça, Fernand Dumont, un penseur de la culture. On l'entendait au tout début de l'émission dire « J'ai dû trouver un argument rapide parce que René Lévesque était tenace. Quand il me demande de passer en politique active, de me présenter en 76, je lui dis « Il n'y a pas qu'un pays à faire, il n'y a pas que le politique qui compte, il y a aussi la culture. » Quelle est sa conception de la culture, Julien Goyette? Alors, c'est bien sûr assez complexe, mais c'est très différent de ce que la modernité a fait. En la culture, on la réduit aujourd'hui très souvent aux arts, aux médias, aux loisirs. Hein. Et pour Dumont, la culture, c'est un ensemble. C'est vraiment l'outillage mental que les humains utilisent pour se représenter leur monde. Et donc, ça inclut aussi bien les arts que le sport, l'économie que la religion. Ouais. Et donc, c'est une dimension très large. Et ça explique pourquoi l'œuvre de Dumont passe allègrement et enjambe les disciplines de cette façon-là, parlant à la fois d'histoire, de théologie. La culture, c'est l'ADN d'un peuple. Tout ce qui nous constitue, nos habitudes, notre manière de vivre. C'est même plus que ça. C'est l'ADN d'un peuple, certainement, mais c'est carrément le milieu de l'homme, comme il le souligne dans son maître ouvrage, qui est le lieu de l'homme, justement. Mais la culture, c'est le lieu de l'homme, c'est le monde dans lequel l'humain, c'est la façon, c'est toutes les représentations qui se fait de lui, et c'est ce qui sépare l'humain de l'animal, littéralement. C'est vraiment cette dimension-là qui est fondamentale et que la modernité, parfois, a tendance à réduire. Et vous le disiez, dans cette culture au sens large, une vision très empirique, il y a quelque part, pour Dumont, la religion. À ce moment-là, il est l'un des rares intellectuels à continuer de rester attaché à la religion catholique. On l'écoute en parler au micro de Raymond Charrette à l'émission Rencontre en 1972. C'est la crise d'une foi qui s'étant exprimé sous un visage temporaire et sous un visage qui était particulièrement organisé, particulièrement structuré, on sait le rôle qu'a joué l'Église dans notre société, se trouve subitement dans un laps de temps extraordinairement court si on compare à la longueur des processus de déchristianisation dans les autres sociétés occidentales, s'est trouvé donc dans un laps de temps relativement court, complètement menacé, c'est-à-dire a vu défaire son visage. Qu'est-ce qui reste derrière ce visage? Peut-être rien. Moi, mon espérance, c'est que cette crise, cet éclatement du vieux visage va permettre de voir, à travers le miroir brisé, en quelque sorte, de voir enfin le visage de Jésus-Christ. Et en ce sens, qui a été vécu hier sous un tout autre visage, sous des expressions tout à fait périmées, va renaître sous un nouveau visage et d'une manière renouvelée. Alors, toute sa vie, Fernand Dumont va continuer d'être attaché à la religion catholique. Julien Goyette, pourquoi? Alors, c'est un attachement, encore une fois, à la culture hein, qui explique ça. Et c'est un héritage. Pour lui, les valeurs s'incarnent, se choisissent, ont une histoire. Et donc, le catholicisme, pour lui, ça va rester très important en tant que tel. Et toute sa vie, il va lui rester attaché. Il va être critique. Mm-hmm. Ça ne l'empêchera pas du tout d'être critique. Il va critiquer le cléricalisme de la société québécoise. On l'entendait bien dans l'extrait. Il espérait, et pour lui, la foi ne va pas sans le doute. Hein. Et donc, il accueillait cette crise du christianisme, oui, d'une part, mais en même temps, il espérait qu'il sorte une nouvelle culture, ce qu'il appelait lui-même une nouvelle culture, mm-hmm, chrétienne, où l'Église aurait un nouveau rôle à jouer en tant que tel. Il va être déçu, en fait, critique et déçu du fait que l'Église ne sache pas, justement, relever ce défi. Quel regard il va porter sur ce Québec qui va rejeter très rapidement et très massivement tout ce qui est religion et, je dirais même, tout ce qui est religieux? Alors, il va accueillir une partie, justement, ce rejet du cléricalisme, il va l'accueillir positivement. Cela dit, lui-même, il aura travaillé, il aura été président là, de la Commission sur les laïcs et l'Église, donc, qui a été instituée en 68 et qui va déposer son rapport en 72, le rapport qu'on appelle souvent le rapport Dumont. Mais il va voir ça un peu comme un échec. On ne réussira pas à secouer, ouais, littéralement les colonnes du Temple et à redonner un souffle nouveau là, à une Église, un catholicisme qui était en perte de vitesse. Mais malgré tout cela, il va continuer à voir dans le catholicisme et dans la foi. Il va essayer également de créer un dialogue, mm-hmm, entre les athées et les croyants, parce que pour lui, justement, tout ça appartient à la culture. La culture, ouais, définit une transcendance qu'on peut nommer, comme il le soulignait, mais qu'on peut aussi décider d'habiter autrement à travers la démocratie, à travers toutes sortes de traditions. Parlons du nationalisme de Fernand Dumont. C'est un autre gros morceau de sa pensée. Quelle forme va prendre son nationalisme? On l'écoute à l'émission Forme à 30 en 1971. Pour moi, nationalisme, socialisme, d'ici toujours, ces deux choses sont liées, puisque l'idée d'indépendance, il faut lui donner un contenu. Ce que nous espérons, c'est pas simplement le jour où le Québec sera indépendant, mais c'est la société qui pourrait en sortir. Il faut déjà l'anticiper de quelque manière, cette société. Mais j'y ajouterais aussitôt une condition. Une condition, c'est que nous soyons capables, en particulier au niveau politique, d'interpréter un peu mieux à mesure les transformations par lesquelles nous passons. Il me semble que ce qui nous a manqué, particulièrement depuis 10 ans, c'est cette interprétation périodique de nous-mêmes. De sorte que nous avons souvent eu le sentiment, en tout cas une large fraction de la population a eu le sentiment, de vivre des changements sans signification. Vivre le changement pour le changement, ce n'est pas possible dans aucune société du monde. Il faut que le changement ait un sens. Et se dirige quelque part. Exactement. De sorte que... Alors ça, c'est assez clair, Julien Goyette. Pour Dumont, le pays, le projet national doit absolument s'accompagner d'une vision, d'un projet de société. Absolument. Dumont s'est toujours qualifié, il s'est toujours dit nationaliste, ne serait-ce que par attachement à sa patrie d'origine. Mm-hmm. Justement, on a encore une autre illustration de cet attachement aux origines. Et donc, le pays, pour lui, doit s'organiser par un projet, encore une fois, de culture. Et on voit bien qu'on s'est drapé de neuf, comme il le souligne dans la Révolution tranquille, mais est-ce que ce sont bien nos habits? Oui. Est-ce que les gens vraiment... Est-ce que la parole des gens d'ici est vraiment a été tenue en compte? Et c'est vraiment cette notion-là, cette idée d'une interprétation collective. Est-ce qu'on ne s'est pas simplement contenté de solutions faciles, de prendre des solutions à gauche et à droite? On s'est donc construit une culture d'emprunt, oui, mais est-ce que vraiment on s'est consacré à s'observer soi-même, à se connaître. Et ce qui l'intéresse dans le pays, dans ce que deviendrait le pays, comme dans ce qu'a été en partie la Révolution tranquille, c'est nettement le côté collectiviste. C'est ça qui l'intéresse. L'homme de gauche, on l'entend là, dans cet extrait qu'on vient d'entendre. Et particulièrement dans les années 60-70, Dumont sera très attentif à toutes les marques de progressisme dans la société. Oui. Il regarde beaucoup toutes les manifestations, le coopératisme, les opérations dignité, toutes les associations dans ces années-là. Il va être très, très attentif pour y voir les syndicats. Oui. Il va être très attentif pour voir là la marque, les signes, justement, d'une nouvelle façon, d'un renouveau de la démocratie, tout simplement. Et donc, il sera très attentif à ça. Par la suite, on l'évoquera, il va être déçu, oui, de cette évolution-là. Oui. 76, on en a parlé, il décide, il dit à René Lévesque, je ne vous suivrai pas dans votre combat en politique active, il préfère rester dans l'ombre. Quelle importance, et il va devenir donc sous-ministre de la culture, quelle importance il va avoir sur le plan politique comme sous-ministre de la culture, entre autres? Ah ben, il rompra pas tout à fait avec... Il est allé en politique, il voulait pas aller en politique partisane, ouais, il voulait y aller, encore une fois, pour travailler à l'élaboration, donc pour réaffirmer cette notion-là. Mais il va y aller, d'une certaine façon, encore une fois, pas en théoricien, oui. mais simplement en penseur, en intellectuel. Et là, il va travailler donc sur le livre blanc qui accompagne la charte de la langue française. Et il va, effectivement, pour réaffirmer la volonté de non seulement marquer le caractère français du Québec, mais l'idée que la culture québécoise et française. Il va poser une question à un moment donné assez fondamentale. Qu'est-ce qu'un Québécois en disant, est-ce que c'est quelqu'un qui vit au Québec, je paraphrase, là, ou si c'est un francophone qui vit... Faut-il être francophone, au fond? C'est ça la question qu'il pose pour être Québécois. C'est cette idée que la langue elle-même, on pourrait très bien, il le soulignait sans embâge, hein, on pourrait très bien parler anglais. Tout serait plus simple, disait-il d'une certaine façon. Si on parle français, c'est pour que ça traîne des références, une culture, que ça exprime. Donc, il voulait qu'on exprime notre culture. Encore une fois, ça fait partie de cette espèce d'introspection là, qu'on évoquait au départ. Et cette façon-là, donc, pour lui, il fallait qu'il y ait un projet de société, d'une certaine façon. Et ça pouvait être inclusif, par ailleurs. Mais il fallait qu'on parte. Il y avait une façon de vivre. Il y a eu une façon de vivre en français qu'il souhaitait prolonger et affirmer. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Julien Goyette, de l'œuvre et de la pensée de Fernand Dumont? Alors, on le cite souvent. Son nom revient souvent dans les conversations. Il est cité un peu à toutes les sauces, à gauche, à droite. On a souvent repris le récit de sa vie, mais on a peut-être moins étudié son œuvre encore. Donc, il reste beaucoup de choses à étudier, certainement, sur lui. Il nous reste certainement cette volonté exceptionnelle. On a parlé du récit d'une immigration, cette volonté de ne pas renoncer à ses origines, mais en même temps de résister à la tentation qui était celle qui identifiait souvent avec Cité libre dans les années 50 de l'homme abstrait, oui. d'une certaine façon, de l'universalisme abstrait. Et donc, son œuvre nous interroge vraiment sur la capacité, notre capacité à vivre sans un ancrage ferme dans le temps. Notre capacité à créer littéralement de nouvelles traditions. Et en fait, vous nous dites, retournons-y à cette œuvre parce qu'il y a ce paradoxe où il est très connu, la figure, le nom, mais très mal connu dans ce qu'il nous laisse comme œuvre. Oui, c'est évidemment un penseur complexe. Hein, ce n'est pas une œuvre qui est facile. Certaines le sont davantage, mais plusieurs de ses œuvres sont assez difficiles d'accès. C'est une œuvre complexe, qui est déroutante, qui est poétique, jusqu'à un certain point. Mais certainement, il pose des questions cruciales sur ne serait-ce que la capacité, la question du pouvoir de parler. Hein. Qui, aujourd'hui, possède le pouvoir de définir la société? C'est une question que je pense qu'on ne peut pas écarter du revers de la main. Julien Goyette, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski, auteur, je le rappelle, du livre « Temps et culture, Fernand Dumont et la philosophie de l'histoire » qui est publié aux presses de l'Université Laval. Merci beaucoup de votre passage à l'émission. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Dominique Beaudoin. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.